arc-en-ciel. Bonjour, il est 9h passé de 4 minutes. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez bien. Nous sommes le lundi 20 décembre et dans 4 jours, c'est quoi? Dans 4 jours, c'est Noël. J'espère que vous avez fait déjà votre liste de cadeaux Père Noël, que vous avez été très très sage. Et puis, qu'après, vous serez gâtés le 25 décembre au pied du sapin. En tout cas, voilà, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui en ce lundi 20 décembre pour une matinée de musique de Noël, mais de musique variée, puisque je vous rappelle que c'est vous qui composez cette émission en composant sur votre téléphone 02 38 43 48 00, 02 38 43 48 00. Vous faites votre dédicace et vous demandez la chanson que vous souhaitez entendre, et dans la mesure du possible, elle passe à l'antenne. Et vous pouvez également faire vos dédicaces sur Facebook en tapotant JP Martins. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Demain matin, dès 7h du mat, vous retrouvez mon poteau Francky. Et puis voilà. Donc en attendant, on est ensemble. Là, maintenant, tout de suite. Voilà. Vous m'avez manqué lundi dernier. Sincèrement, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà. Donc maintenant, on revient en pleine forme. Je reviens en voilà, au maximum de ma forme. Donc tant mieux. Et puis, on est ensemble pour 3h. Allez, c'est parti. On va s'écouter Johnny Ableo qui va nous interpréter Boa Tabacho. E bota baixo, e bota baixo, e bota baixo. Dia de muita folia, a malta está animada, vai dançar até sem dia. Se já te sentes cansado, precisas de energia, estou aqui para te ajudar. A vida não faz sentido se não tiver alegria. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para, aí já está tudo borracho. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para, aí já está tudo borracho. Bebes mais um copinho, a malta fica animada. Vais viver melhor a festa e encontrar a tua amada. Se já te sentes cansado, precisas de energia, estou aqui para te ajudar. A vida não faz sentido se não tiver alegria. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para, aí já está tudo borracho. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bom trabalho, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para, aí já está tudo borracho. Vamos curtir esta noite, hoje já ninguém nos para. E bota baixo, aí já está tudo borracho. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. E bota baixo, hoje é sempre bota baixo. Vamos curtir esta noite, hoje já ninguém nos para. E bota baixo, aí já está tudo borracho. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bota baixo. Vamos curtir esta noite, hoje já ninguém nos para. Aí já está tudo borracho. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje já ninguém nos para, aí já está tudo borracho. Johnny Abreu, Batabacho. Et on va poursuivre avec un autre Johnny qui va nous interpréter Teige que vivait la vie, tu dois vivre ta vie. Bah, vivons la vie parce que elle mérite d'être vécue et il faut la vivre intensément cette vie. On en a qu'une. Et voilà, faut en profiter au maximum et la vivre vraiment à 1000%. Voilà donc Johnny, Teige que vivait la vie. Quando tens sonho, tens que lutar por ele e nunca desistir. Sabes que a vida tem momentos com alguns sofrimentos que por vezes queremos partir. Nunca deixes de acreditar e verás que tudo irá mudar. Já me aconteceu ficar desiludido, mas nunca desisti. Sabes que já fiquei perdido, sem saber o caminho, mas farei tudo para conseguir. Nunca deixei de acreditar, e hoje vivo a vida. Carimbo de José Mayo, ouais, et on va poursuivre avec Kevin. Kevin qui va nous interpréter So Portugues, et ça va être là tout de suite. Il est 9h15, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, et vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Allez, cette chanson, c'est pour Marco qui est à l'écoute et qui m'a envoyé un petit message. Allez, gros bisous et bonne journée, surtout un joyeux Noël d'ores et déjà. Mais oui, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin et ça se passe sur le 96.2. So Portugues, on poursuit avec Louis-Georges, on t'est déjà passé. Vos dédicaces au 02 38 43 48 00. Amanhã ninguém o sabe, por isso hoje é alegria. Já mudou, tanta coisa vai mudar. Se a vida corre para mal e não há nada a fazer, por isso é que eu vou levar a vida a cantar sempre até morrer. Ontem já passou, hoje é que é o dia. Amanhã

Carrera sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Bad Simple. Et nous allons faire juste avant les pubs, on va faire un petit tour du côté des offres d'emploi. Sachez qu'il y a une entreprise de ravalement qui recherche un ravaleur possédant le permis voiture, et c'est un CDI qui vous est proposé. Une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire 2 700 € net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Une entreprise de maçonnerie recherche un aide-maçon en CDI avec une période d'essai de 2 mois, le salaire 1 800 € net. Et puis nous avons un restaurant qui recherche un cuisinier ou une cuisinière, et c'est un CDI qui vous est proposé. Et nous allons poursuivre en musique avec Hbombok, Roda Roda Kavsine. Et je vais dédier cette chanson à Polo Simoes qui a fêté son anniversaire, et je vais lui faire un gros bisou. Allez Polo, cette chanson est pour toi, Hbombok, Roda Roda Kavsine, et c'est pour vous cher monsieur Polo Simoes. Ven a usar esta danza nueva. Yo quiero toda la gente a bailar. Si tú quieres, ven conmigo ahora. Tenho certeza que vais gostar. Eu quero ouvir embaixo um grito. Olé, olá. Repete mais uma vez comigo. Olé, olá. Roda, roda, cabecinha. No bumbum sempre a mexer. Depois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Roda, roda, cabecinha. No bumbum sempre a danar. Depois dá outra voltinha. E roda, roda para terminar. Esta canção eu quero ouvir embaixo do grito. Olé, olá. Repete mais uma vez comigo. Olé, olá. Roda, roda, cabecinha. E o bumbum sempre a mexer. Depois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Roda, roda, cabecinha. E o bumbum sempre a danar. Depois dá outra voltinha. E roda, roda para terminar. Se tu quiseres, vem comigo agora. Tenho certeza que vais curtir. Eu quero ouvir embaixo um grito. Olé, olá. Repete mais uma vez comigo. Olé, olá. Roda, roda, cabecinha. E o bumbum sempre a mexer. Depois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Roda, roda, cabecinha. E o bumbum sempre a danar. Depois dá outra voltinha. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Son de uma guitarra. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Primeira

a maldade já não existe mais. José Malho, Paulo Ribeiro, Will Souto et Nun Portugal, donc sur cette très belle chanson de Noël, on Natal, todo dia. On va poursuivre avec Farouk sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et tout de suite après les toutes premières dédicaces. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, cielo, cielo, fait passe Farouko sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et nous allons démarrer avec les toutes premières dédicaces à 9h44 et ça va être Mike Daggett et Sylvie qui vont nous interpréter Shan et c'est demandé de la part de Letty pour Alex qui va fêter son anniversaire demain et pour fêter aussi la naissance de sa petite fille Emma. Quel beau cadeau pour les fêtes, et bien sûr quel beau cadeau pour les fêtes et bise à l'animateur bien sûr, merci, bise à vous du côté de Châteauneuf-sur-Loire et puis on va écouter Shan et Mike Daggett et Sylvie avec cette très belle chanson qu'ils avaient chantée pour leur princesse Shan justement. Daggett et Sylvie avec ce très beau, cette très belle chanson Shan. Et c'était donc demandé de la part de Letty pour Alex qui va fêter son anniversaire demain et puis pour fêter aussi la naissance de sa petite fille Emma. Quel beau cadeau pour les fêtes et un bisou à l'animateur, donc bisous à vous du côté de Châteauneuf et plein de gros gros bisous, puis surtout un bon et joyeux Noël et profitez de la vie, vivez la vie à pleines dents, voilà, elle est belle la vie. dit. On va poursuivre avec de l'accordéon. Ben oui, tout simplement un petit passo. Et c'est Philippe Martins qui nous interprète Clémentico. Et c'est demandé de la part de Geneviève pour Paulette, avec une pensée à Michel, et puis pour l'animateur avec de gros bisous. Merci Geneviève. Et puis on va écouter donc un petit passo double. Allez, c'est parti. On va se mettre en condition et c'est parti. Yeah. Capanegra sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Sempre Bomba. Et on va poursuivre avec Simone et Simaria sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est demandé de la part de Firmino. Firmino qui envoie un petit message. Bonjour JP, peux-tu passer Simone et Simaria pour Marie-Jo qui est en portage des repas aux personnes âgées à Saint-Denis-en-Val. Merci d'avance et passe des bonnes fêtes de fin d'année et à tous ceux qui sont à l'écoute. Un joyeux Noël. Voilà, j'ai lu le message en son intégralité. Merci Firmino, joyeux Noël, de bonnes fêtes également. Et puis pour Marie-Jo qui est en train de faire du portage des repas aux personnes âgées à Saint-Denis-en-Val, un gros gros bisou. Et puis on va écouter Simone et Simaria. Vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. C'est vers matin et ça se passe jusqu'à midi. 02 38 43 48 00, c'est le numéro pour vos dédicaces. Essa dor, todos falam de mim, de como fui uma tonta, me perdi por um louco, meu coração está quebrado. Só que pra gente nunca é tarde. Eu sigo solto por la calle, ah, yeah. E atrás espero que te prepare. Se nos pegamos em minha habitação e curamos este coração, sou tuyo. Sou tua talvez para sempre. Se nos pegamos em minha habitação e curamos este coração, sou tuyo. Sou tua talvez para sempre. Está quebrado. Simone et Simaria sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et donc, c'était donc demandé de la part de Firmino pour Marie-Jo qui est en portage des repas aux personnes âgées à Saint-Denis-en-Val. Merci d'avance, me dit-il. Et passe des bonnes fêtes de fin d'année et à tous ceux qui sont à l'écoute. Joyeux Noël. Voilà. Il est dans quelques secondes 10h tout juste. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi. C'est vers matin. Ça se passe sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est comme ça tous les lundis. Nous sommes le 20 décembre. Donc, n'hésitez pas. Vos dédicaces au 02 38 43 48 00. Vous pouvez également faire vos dédicaces sur Facebook en tapotant JP Martins, M-A-R-T-I-N-S. Et voilà, et comme Firmino, comme Letty et bien d'autres, vous faites vos dédicaces voilà, sur pardon, sur Messenger. Nous allons poursuivre en musique, ben oui, avec Georges Freyla sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. Me disseram que agora anda com outro, Agarrar a ti e fazer o tchá-tchá-tchá. Fernando Correia marque sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, fazer o cha-cha-cha. Et donc, hein, vous le savez, aujourd'hui, lundi 20 décembre, dans 4 jours, c'est Noël, bien sûr, on sera tous réunis dans le respect des gestes barrières, blablabla, voilà, pour célébrer Noël en famille, voir si on a été sages, si on a eu plein de cadeaux, etc. Et puis, bah, d'ores et déjà, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël, vous dire que, voilà, je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous. Et à tous, un bon Natal.

samba, o alegria, o manel, já virou. Agora mira a mania, roda, mira, mira, mira. E eu gosto de mirar. A festa está bonita, o baile vai começar. Roda, mira, mira, mira, na samba, o alegria, o manel, já virou. Agora mira a mania, roda, mira, mira, mira. E eu gosto de mirar. A festa está bonita, o baile vai começar. Roda, mira, mira, mira, na samba, o alegria, o manel, já virou. Agora mira a mania, roda, mira, mira, mira. E eu gosto de mirar. A festa está bonita, o baile vai começar. Roda, mira, mira, mira, na samba, o alegria, o manel, já virou. Agora mira a mania. Victor Rodriguez sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, et c'était demandé de la part d'Anna pour toute sa famille, qu'il passe de bonnes fêtes, un bon Noël. Elle les embrasse très très fort. Un bisou à l'animateur. Merci Anna. Je vous embrasse également et passez de très très bonnes fêtes. Et nous allons poursuivre avec Georges Loureiro. Mai abandonada y a un discutido da parte de Fátima de Fleury les Obrés para sua amiga Rosália. Marido, neto e filhos desejando as melhoras. Vamos ouvir Mai abandonada. Jorge Loureiro. No caso que eu vou contar, não embaidece ninguém. Como eu fiquei tão bem. Conta a história de uma mãe que na vida tanto lutou. Ficou viúva tão jovem e três filhinhos criou para lhe dar um bom futuro. Fartou-se de trabalhar e os três filhos queridos ela conseguiu formar. O mais novo viu engenheiro, o do meio senhor doutor e o seu filho mais velho também deu em professor. Mulher de fibra e coragem, os braços nunca baixou. Fazendo sua própria casa e algum dinheiro juntou. Mas tudo se complicou e o pior está para vir. Quando o filho lhe falou para ela repartir, repartir bens e dinheiro que outrora ela juntou por causa dessas partilhas. Ficando promessa feita, olhar por ela até a morte. Mal sabia a sujeita que iria ter tão pouca sorte. No início tudo bem, enquanto ela podia andar. Primeira doença, foram levá-la a um lar. E depois de mais tarde, naquele lar internada, à espera que um dia um filho naquela mãe visitava. Sempre a olhar para a janela, mas nunca aparecia nada. Mas esta pobre coitada, no dia 5 de agosto, aqui fica o meu pedido. A quem tem os pais no ar, aqui fica o meu pedido. A quem tem os pais no ar, para não vos arrepender, por favor vão-nos buscar. Abandonada, Jorge Loureiro, era um disco pedido da parte de Fátima de Fleury Les Aubrais para sua amiga Rosália, o marido, netos e filhos, desejando as melhoras. Nous allons poursuivre avec Will Soto qui va nous interpréter Vida, et c'est demandé de la part de Jean de Châteauneuf-sur-Loire qui dédie cette chanson au grand-père Alex et lui souhaite également un bon anniversaire, et pour Letty également, on souhaitait une bonne journée. Donc on écoute Will Soto, Vida. Dança envolvente, sensacional. Com braço pra cima, tá na hora de dançar. Ouvira, dança portuguesa, patrimônio nacional. Dança envolvente, sensacional. Lá na minha aldeia todo mundo dança. Maria, o Joaquim, a Anabela e o João. Dança no inverno, dança no verão. Dança no São Pedro, dança no São João. Lá na minha aldeia todo mundo dança. Maria, o Joaquim, a Anabela e o João. Dança no inverno, dança no verão, dança no São Pedro, dança no São João. Saltitando e girando, saltitando e girando, batendo o pé fazendo assim como eu, batendo o pé fazendo assim como eu. Saltitando e girando, saltitando e girando, batendo o pé fazendo assim como eu, batendo o pé fazendo assim como eu. Vai! Pra cima tá na hora de dançar, ouvira. Dança portuguesa, patrimônio nacional. Dança envolvente, sensacional. Um braço pra cima tá na hora de dançar, ouvira. Dança portuguesa, patrimônio nacional. Dança envolvente, sensacional. Lá na minha aldeia todo mundo dança. Maria, o Joaquim, a Anabela e o João. Dança no inverno, dança no verão, dança no São Pedro, dança no São João. Lá na minha aldeia todo mundo dança. Maria, o Joaquim, a Anabela e o João. Dança no inverno, dança no verão, dança no São Pedro, dança no São João. Saltitando e girando, saltitando e girando, batendo o pé fazendo assim como eu, batendo o pé fazendo assim como eu. Saltitando e girando, saltitando e girando, batendo o pé fazendo assim como eu, batendo o pé fazendo assim como eu. Vai! Fazendo assim como eu, batendo o pé, fazendo assim como eu. Saltitando e girando, saltitando e girando, batendo o pé, fazendo assim como eu, batendo o pé, fazendo assim como eu. Vai! Wilson Santo Ovila. Et donc c'était demandé de la part de Jean de Châteauneuf-sur-Loire pour le grand-père Alex, et en lui souhaitant un bon anniversaire, et également pour Letty. Voilà, et nous on va poursuivre avec Starlight. Tout près, c'était un petit mix. On revient sur les offres d'emploi. Sachez qu'il y a une entreprise de ravalement qui recherche un ravaleur avec le permis B, le permis voiture. C'est un CDI qui vous est proposé. Une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire 2 700 € net par mois avec un CDI, une période d'essai de 2 mois. Un restaurant recherche un cuisinier en CDI, un cuisinier ou une cuisinière. Et puis une entreprise de maçonnerie recherche un aide-maçon en CDI avec une période d'essai de 2 mois, le salaire 1800 euros net. Voilà, l'une de ces offres d'emploi vous intéresse, un seul numéro, 02 38 43 48 00. On va poursuivre avec Marc Paul, Nossa Senhora. Cette chanson, eh bien, je voudrais la dédier à toutes les personnes qui mènent un combat contre la maladie, le cancer ou autre. Voilà, et puis dire que la vie, elle vaut le coup d'être vécue, qu'il faut se battre jusqu'au bout. Et moi, j'ai dédié cette chanson à mes anges qui m'ont certainement protégé. Donc voilà, Marc Paul, Nossa Senhora. Et c'est maintenant. Paz, esse olhar cura minhas feridas e a dor me faz suportar. E as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo o ferido de espinhos me ajuda a passar. Mãe, tirias do meu coração, e àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida. Calma o meu coração. Grande é a procissão a pedir misericórdia, perdão, a cura do corpo e para a alma, a salvação. Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Senhora, lhe dê a mão, cuide do minha vida. Nossa Senhora Mar Paulo. Nous allons poursuivre et changer de registre avec Ruben Aguiar, qui est non comme in casa, et c'est demandé de la part de Letty. Alors c'est des dédicaces qui font plaisir. Ce petit message. Donc pendant qu'on déguste tranquillement notre petit café, dédicace à toi JP pour te dire qu'on adore t'écouter tous les lundis matins, surtout qu'on te souhaite de bonnes fêtes ainsi qu'à tes proches. Bise la chanson, tu vas gérer. Ben oui, Ruben Aguiar, qui est non comme in casa. Teu maridinho pede um docinho que não lhe das. Fica saciado e assim outro prato não vai procurar. Este é o segredo de um casal feliz. Comida caseira, mais que dose e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa dá pão e água. Quem não come em casa? Tá ruim. Benaglia. Alors on va poursuivre avec Tony Carrera, Invilcera Teu Lado. Et c'est demandé de la part de Nel pour Karine. Il lui dit idem, qu'il aime plus que tout au monde. Tony Carrera, Invilcera Teu Lado. Et c'était demandé de la part de Nel pour Karine. Et il lui dit idem, qu'il aime plus que tout au monde. Et nous allons rester dans le romantisme avec José Albert Reich qui va nous interpréter Amout. Et cette prochaine chanson, eh bien, c'est sur une dédicace internet. Et c'est demandé de la part d'Isabeth qui m'envoie un message et qui me dit « Bonjour JP, merci d'ensoleiller tous nos lundis matins. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Petite dédicace pour l'homme de ma vie, mon titinou. Je voudrais simplement te dire que je t'aime et que je suis très heureuse de partager ta vie, Isabeth. » Donc voilà, elle me dit à la fin, merci JP et soyons fous, bisous, bisous Isabeth. Et puis on va mettre cette très belle chanson de José Albert Reich, Amout. Vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin et ça fait du bien. Na solidão que te enche as noites e os dias inquietos no silêncio e na angústia, sem sono libertador. Pensa nos dias felizes e nas emoções sentidas, quando em voz meiga sorrindo me chamavas sonhador. Desse amor adolescente que não tinha mais sentido do que o mundo construído na ponta dos nossos dedos, foi transbordando a ternura no sossego do meu peito, claro mar de mansidão, sem ter ondas nem segredos. Amo-te como quem sonha ou quem reza, que te guie esta certeza, meu amor, juro. Amo-te verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos, meu amor, juro. Amo-te. Amo-te. Trago o meu desejo exposto no desenho do teu rosto, meu amor, juro. Amo-te. E na voz dos meus sentidos trago gestos prometidos, meu amor, amo-te. E no alongar da vida há uma oculta saudade, inocência consentida nos teus ombros de luar. Alamedas sombreadas, juventude sem idade, a escrever eternidade na branca espuma do mar. Amo-te como quem sonha ou quem reza, que te guie esta certeza, meu amor, juro. Amo-te verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos, meu amor, juro. Amo-te. Amo-te. Trago o meu desejo exposto no desenho do teu rosto, meu amor, juro. Amo-te. E na voz dos meus sentidos trago gestos prometidos, meu amor. Amo-te. Et c'était donc demandé de la part d'Isabelle qui me disait merci, bonjour JP, merci d'ensoleiller tous nos lundis matins. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Petite dédicace pour l'homme de ma vie, mon Titinou. Je voudrais simplement te dire que je t'aime et que je suis très heureuse de partager ta vie, Isabelle. Voilà, donc Isabelle, je vous souhaite de très très bonnes fêtes et beaucoup beaucoup d'amour. Nous allons poursuivre avec, avant de retrouver les dédicaces, avec Luis Manuel qui va nous interpréter Esta Noite Vou Dançar. Quero ver, esta noite vou dançar. On va poursuivre avec o grupo de danças e cantares de Barcelos. É um disco pedido da parte de Madame Alves, de Dangré, para Monsieur e Madame Pinheiro, seus filhos e netos, desejando muitas de saúde a Madame Pinheiro e para todos os doentinhos do mundo. Poursuivons avec nos dédicaces, et c'est sur internet. Je vous rappelle que vous pouvez faire vos dédicaces au 02 38 43 48 00 ou sur Facebook en tapotant JP Martins. Et c'est ce qu'a fait Maria de Almeida. Elle nous dit: bonjour Jean-Pierre, content de vous retrouver, j'aimerais écouter Maria Carré. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, bonheur et santé, j'espère que vous remontez la pente. Oui, la santé va mieux, surtout quand on a vaincu la maladie, ainsi qu'à votre famille. Feliz Natal. Et voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, je vous fais plein de gros bisous, prenons soin des uns des autres, vous avez raison, et bonne fête aux équipes d'Arc-en-Ciel. Merci, merci, merci. C'est grâce à vous qu'on est là, sans vous on ne serait rien, et sans vous, bah, quand on n'est pas bien, on n'y arriverait pas non plus. Voilà, donc merci en tout cas. Et puis on va écouter donc Maria Carré. Je vous dirai pas le titre en anglais parce que voilà, j'ai un anglais très très prononcé. Voilà, juste Maria Carré, ça ira bien. Allez, vos dédicaces au 02 38 43 48 00. Maria Carré sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Come through.

téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère. A changé de rue. Le temps est un voleur, un des amours, un sablier sans cœur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. Je pense à ma mère, que j'aurais dû aimer comme une prière. Et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit. François, à tous ceux qu'on aime. Et on va poursuivre avec on va poursuivre avec Pedro Ambruños a fazer o que ainda não foi feito. Et c'est Agostinho, voilà, des appels qui font plaisir. Agostinho et ma petite Maya que j'embrasse très très fort et à qui je vais souhaiter de bonnes fêtes, plein plein de bonnes choses, la santé et puis beaucoup d'amour et voilà, et puis ce sourire dans la voix quand je les ai au téléphone. Donc Agostinho et Maya, voilà, plein de gros bisous à vous. Et Agostinho justement a laissé un message en souhaitant un joyeux Noël et de bonnes fêtes à tous les auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel. Et puis moi je vais lui souhaiter à Agostinho un joyeux Noël à lui, à Maya et à toute sa petite famille, avec plein de gros bisous et au plaisir de vous revoir très très bientôt ou très vite. Voilà, Pedro Ambruños, fazer o que ainda não foi feito. Eu sou aquele que se esconde, sabe de ti sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito.

Diana Gilles, Lagrima. On va poursuivre avec Léo Magalhães qui va nous interpréter Allô. Et c'est demandé de la part de Marie-Jo. Marie-Jo qui m'envoie un message. Bonjour JP, pouvez-vous passer la musique de Léo Magalhães, le titre Allô pour Mino qui est sur les routes, avec un gros bisou. Et bien sûr pour vous aussi, pour le bien que vous nous faites à tous, à tous les gens qui sont derrière leur poste de radio. Bonne santé à vous et merci. Merci à vous Marie-Jo, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes. On écoute le titre que vous avez souhaité entendre, Léo Magalhães, Allô. Allô, et c'était donc demandé de la part de Marie-Jo qui souhaite écouter cette chanson et qu'elle dédiait à Mino qui est sur les routes, avec un gros bisou, et bien sûr pour moi aussi, pour l'animateur, avec le bien, merci pour le bien que vous nous faites à tous, à tous les gens qui sont derrière leur poste de radio. Bonne santé à vous et plein de bonnes choses. Merci, passez de bonnes fêtes en tout cas Marie-Jo, et merci de votre fidélité à l'émission Vert Matin. D'ailleurs c'est vous qui composez depuis de nombreuses années cette émission ne ressemble à aucune autre, puisque c'est vous, lors de vos appels et de vos messages, qui demandez la chanson que vous souhaitez entendre, et elle passe à l'antenne, la chanson, bien entendu. Donc cette émission, c'est celle qui vous ressemble réellement. Nous allons poursuivre avec Robert Carlos, à Cor do Amore, et c'est demandé de la part de Natalia qui envoie un petit message et qui me dit bonjour. Bonjour Jean-Pierre, j'espère que tu vas bien, ça va, merci. Natalia, peux-tu passer une chanson de Robert Carlos pour toutes les personnes qui passeront Noël seules? Bien entendu, on aura une pensée pour toutes les personnes qui voilà vont passer les fêtes seules, voilà, parce que bah pas le choix. En tout cas, on aura une grosse pensée pour ces personnes-là, on leur fait des gros bisous. Et Robert Carlos, Acordo Amore. Faz tempo que a gente se olha, faz tempo que a gente se quer, faz tempo que a gente se curte, só não vê quem não quiser. Você me deixa enlouquecida, faço tudo pra você notar. Quero ser bem mais que sua amiga e vou ter que me arriscar. Minha boca está querendo te dizer que deseja ardentemente um beijo seu. E se não perde tempo e vem me ver que o teu desejo é tão forte quanto o meu. Ah, eu sei, eu sinto através do seu olhar, o nosso amor tá pra nascer, eu sei, a verdade acabou de começar. Coragem pra falar. É uma questão de tempo, agora eu sei. Um grande amor está no seu olhar. Você é o brilho de uma estrela no azul desse sentimento. Então vem, me abraça forte, se entregue a esse momento. Já nem conto mais as vezes que te pego olhando assim. Já não durmo mais pensando que também pensa em mim. Minha boca está mandando te dizer que deseja ardentemente um beijo seu. Vê se não perde tempo, que o seu desejo é tão forte quanto o meu. Eu sei, eu sinto através do seu olhar, o nosso amor tá pra nascer. Eu sei, na verdade acabou de começar. Ah, eu sei, só me falta coragem pra falar. É uma questão de tempo, agora eu sei. Um grande amor está no nosso olhar. Eu sei, eu sinto através do seu olhar, o nosso amor tá pra nascer. Eu sei, na verdade acabou de começar. Lia Soares e Robert Carlos, A Cor do Amor. Hey yo, Big Wave, tell him I come. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. I play your mama nguele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Get your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take you to the max now. Jam in the small jam way. Jam in the small jam way.

allons poursuivre. Nous allons poursuivre après Victor Rodriguez. Nous allons enchaîner avec Tony Carrera. Tony Carrera. Alors le titre, je l'ai pas trouvé. Vous voyez comme quoi j'arrive pas à trouver tous les titres, ou alors le son est pas top. Tony Carrera, il va nous interpréter Adeo Jaté Andy. Il s'est demandé de la part de Jérôme pour sa maman, sans oublier l'animateur. Merci Jérôme. Et puis c'est également demandé de la part de Mali Edouceu Texera pour toutes les personnes. Ça sera après, sur une autre chanson tout de suite après. Voilà, donc de la part de Jérôme pour sa maman et pour l'animateur. Merci. On dit, on va poursuivre avec Elena Correia, Un Natal para Todos, et c'est demandé de la part de Maria Doucet au Teixeira pour qu'il ait dit cette chanson à tout le monde, notamment aux personnes malades, etc. Donc on va écouter Elena Correia, Un Natal para Todos. Gente a sofrer, que vivem com a dor em seu olhar. Não têm uma casa para viver, há crianças a morrer sem ninguém para ajudar. Se cada um de nós desse um abraço a todos que precisam de amor, nos rostos haveríamos sorrisos e seríamos felizes. O mundo era bem melhor. Alguém que lhes queira bem. Se eu pudesse mudar o mundo inteiro, seria com certeza mais feliz. Sozinha eu não posso fazer tudo. Conto com a vossa ajuda. Vamos todos nos unir. 11h58, on va se quitter avec la chanson Ruben Aguilar et Natal. Moi, je vous souhaite en tout cas un très très bon Noël, un joyeux Noël. Profitez de vous, de vos proches, de la famille. Prenez soin de votre santé, prenez soin de vous. Et puis, vivez la vie telle qu'elle doit être vécue. Voilà, en tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes. On va se retrouver, nous, lundi prochain pour la dernière émission de cette année 2021, en espérant que 2022 soit... 10 000 fois mieux, voilà, sur tous les points de vue, et puis qu'on puisse reprendre une vie tout à fait normale. En tout cas, voilà, merci pour tous vos messages aujourd'hui qui m'ont fait énormément plaisir. Et puis on se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, je vous aime très fort. Et puis encore un très très bon Noël, et on pensera à tous ceux qui nous manquent et qui ont laissé un grand vide dans nos cœurs, voilà, qui seront avec nous ce jour-là. En tout cas, voilà, merci de votre fidélité à cette émission. Plein de gros bisous. Je vous laisse avec les infos du Portugal dans quelques minutes. Allez, je vous aime fort, portez-vous bien, sortez couverts, et à lundi prochain pour une émission de folie. Bye bye, bisous et joyeux Noël. Arc-en-ciel, il est 11h au Portugal, midi en France. Bon appétit. São 11 horas da manhã em Portugal continental e na Madeira. 10 horas da manhã nos Açores. A caminho do Natal e do Ano Novo, os especialistas em saúde pública defendem novas restrições. É o que afirma, por exemplo, o infecciologista António Silva Graça perante o crescimento da variante Omicron em Portugal. Foram torturados até à morte, pelo menos